ça fait 4 piges que je rappe depuis qu'on gratte de spi. On rame, on monte de gratte, ça se fout des grammes. Depuis qu'il y a de l'industrie, je remarque que tous des grattes touchent pas à ma passion. C'est cette pression qui pète ma vie. On pète la ville avec du son quand des darons se pètent à la vigne. Me rappelle l'industrie, se sont mariés pour faire leur bise. Un jour on rigolera de les voir pleurer à confession intime. Respecte ma vie, mon narcissique, ça se marie si mon rap s'immisce. Son narguissime et passivité ainsi dit, je reste incisif. J'aime les gammes, les galères, gars. Mon gars me dégage, les regards dégage. Je commets des gommes et des cols, y'a trop de dégâts. Protège tes arrière-gars. Depuis le début, je débite, des baffes et des balles. Le débit qui les monte, des baffes, les dévoile. Le levis qui les barre sur les villes, des barres sur le beat, car ainsi que des poids. Ne salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Car pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. Pas, alors n'espère pas de nous mettre sur la touche. Ne salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Car pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. Pas, y'a que ça qui préserve nos âmes. Alors pas touche. Tachak, dans votre cap. MST. Touche pas, touche pas, eh ouais. Touche pas, louche pas. Pour faire ton bénéfice, fais pas le gamin pour les toucher. Pour mettre demain en sacrifice. Des putes qui visent le but. On subit le déclin. Déclin de. Dépose un clin. Deuil sur nos styles, de nos styles. Le pendant ça se roule dans la farine. Du style comme l'hostile. L'histoire de notre folie s'en font des filets faux. Et s'en font d'office, il faut qu'on laisse pas filer là. Qui file l'info. Et tout le monde s'en plaint. Écoute, Marie m'a plein de sens. Même quand ma plume a peine marinée dans un bain de sang. Qui fait le son qui se base dans la passe, qui tabasse la basse, qui dépasse les sangs, qui te donne attends, l'exemple. Attends, ils savent pas, okay. Pour nous c'est assez lent. Qui fait le son qui se base dans la passe, qui tabasse la basse, qui dépasse les sangs, qui te donne l'exemple. Et qui prend de l'essence et qui pète comme essence et ne laisse que des cendres. Rien n'est impossible. On se barre masqué des ombres qui dansent. La preuve, les nuits sont noires et j'ai le moyen d'en faire des nuits blanches. Salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Car pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. Alors n'espère pas de nous mettre sur la touche. N'allie pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Y'a pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. Bah, y'a que ça qui préserve nos âmes. Ouais. Alors pas touche. Je rappe avec ma passion. Père passion, ne pense passion. Elle n'existe pas. Son rêve n'est qu'une impasse. Son passe trépassé. Il se passe malheureusement le fait qu'il presse que le spasme. Dans l'espace-temps, la zik n'est qu'on passe temps. On en passe temps. Dès que son fils s'en fout comme un pactant. Le pactant, vers le fond, mais je reste fidèle au hip-hop. Je suis les potes de tout pactant. Va pas et va pas tant. Foncez que les blancs arrêtent de vouloir foncer. Ces gens n'ont pas tant. La battant, l'air pour le peuple combattant. Battant des clèmes s'ils veulent juste très très battant. Partant, partant, y'a pas tant d'attendre ce game partant. Trop de nous partant, non, fermé. Mais à partant, le diable comme compagnon. Appartenant au son, je rappe son combat. Salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Y'a pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. N'espère pas un jour de nous mettre sur la touche. Salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Car pour la paix, y'a pas d'être. Oui, ce qui nous touche. Oui, le son des cartouches. Pas, y'a que ça qui préserve nos armes, alors pas tout. Salis pas, faut pas détruire. Ne pas le voir ou pas détruire. Car pour la paix, y'a pas d'être. Oui,